cache rien. Adoudou, ouais, tu sais que dans la vie tout le monde n'est pas musicien, tout le monde n'est pas taximan, tout le monde n'est pas commissaire. Il faut pas compliquer, chérie. Babena na tondi no mulema, babena na deise noe, babena na